Certes, il n'y eut alors sur la place, seigneur, chevalier, ni homme de cœur, qui se pût retenir de pleurer de franche pitié, ou qui pût parler d'un long moment. Le roi fixa sur eux un regard très irrité, car il avait le cœur si dur, et en proie un si grand courroux, qu'il ne pouvait parler. Et, quand il parla, ce fut pour ordonner qu'on leur coupât la tête sur le champ. Tous les barons et chevaliers présents priaient le roi, en pleurant, et aussi instamment qu'ils le pouvaient, de vouloir bien avoir d'eux pitié et merci. Mais ils ne voulaient rien entendre. Alors parla messire Gauthier de Mauny, disant « Ah, noble sire, veuillez refrainer votre ressentiment. Vous avez renom et réputation de souveraine noblesse et magnanimité. Gardez-vous donc à présent de faire chose par laquelle ce renom serait, si peu que ce soit, diminué. Qu'on ne puisse rien dire de vous qui ne soit à votre honneur. Si vous n'avez pas pitié de ces gens, tout le monde dira que ce fut grande cruauté de faire périr ces honorables bourgeois qui, de leur propre volonté, se sont remis à votre merci pour sauver les autres. » Sur ce, le roi se mit en colère et dit « Messire Gauthier, n'insistez pas. Il n'en sera point autrement. Qu'on fasse venir le coupe-tête. Les gens de Calais ont fait mourir tant de mes hommes qu'il est équitable que ceux-ci meurent aussi. »